Le grand témoin. Le grand témoin. Louis Dauphren. On connaît cette célèbre phrase de mon confrère Henri Rochefort. La France contient 36 millions de sujets, sans compter les sujets de mécontentement. Il y a deux passions en France, l'égalité et la révolution. Cela d'ailleurs ne nous empêche pas d'être un pays de caste, formidablement conservateur. Et c'est d'ailleurs peut-être pour nous excuser de l'être que l'on met en scène la liturgie insurrectionnelle. Alors évidemment, notre rôle de l'État est quelque peu... Enfin, notre rapport à l'État est quelque peu complexe. On va peut-être d'ailleurs en parler. Un rôle assez ambigu et plutôt malsain. Il nous achète, donc on le déteste, mais on vit dans sa dépendance et on lui réclame tout le temps quelque chose. Et puis l'État a remplacé Dieu, et Dieu souhaite qu'on lui rende un culte. En France, le peuple est au service de l'État. Si on ne comprend pas cela, on n'a rien compris. Vous allez me dire, mais alors c'est la société ultralibérale qui crée tous les malheurs que l'on connaît aujourd'hui. Oui, oui, c'est peut-être vrai à certains aspects, à certains égards, mais il ne faut pas oublier ce tropisme bien français, ce rapport à l'État. Le malheur, comme on le disait hier, c'est aussi que l'État est aussi impotent qu'incontournable et que, comme la plus belle fille du monde, il ne peut offrir que ce qu'il a. On en a parlé hier avec Bertrand Carmel sur le système des arbitrages internationaux. Cette fois donc, pour revenir aux Gilets jaunes, le pouvoir recule, mais il n'a pas dit son dernier mot pour mater les gueux qui défient son autorité. Dès lors, sommes-nous à l'aube d'une révolution ? Il y a des précédents qui relèguent l'épisode des Gilets jaunes, cet épisode que nous vivons peut-être au rayon des petits amusements, parce qu'en réalité, il ne se passe pas grand-chose sous l'égide de la révolution en tant que telle. Mais Gaël Nofri est historien, il a étudié 12 modèles d'insurrection ou de révolution, et il va nous dire précisément s'il y a des points de convergence. Bonjour Gaël Nofri. Bonjour. Vous venez de la ville de Nice. C'est cela. C'est la France, Nice. Ah bah écoutez, c'est pas la depuis France depuis Napoléon III au moins. Pas depuis très longtemps, justement, Henri Rochefort était contemporain. Oui, oui, c'est la France depuis Napoléon III, mais c'était la Provence avant, donc ça a été longtemps la Provence et la Savoie, donc c'est la France. Est-ce qu'il peut arriver à Emmanuel Macron ce qui est arrivé à Napoléon III à Sedan ? Écoutez, on pourra revenir sur la révolution de septembre 1870, mais je crois que c'est une révolution très particulière, celle de 1870, c'est une révolution née de l'échec militaire. Je ne crois pas que nous soyons dans ce genre de circonstances-là. Il y a d'autres, effectivement, mouvements révolutionnaires qui se rapprochent peut-être plus de la révolte que l'on connaît aujourd'hui des Gilets jaunes. Quoi qu'encore, il faille savoir si nous sommes face à une révolution ou simplement face à une révolte. Je pose la question à Gaël Nofri parce que la question, je commence par le pays niçois, parce que la France est un pays travaillé par des mouvements qui ont toujours mis à mal son unité. Et les marches, les frontières ont eu des rapports souvent aussi ambigus avec le centre. Souvent, beaucoup d'Alsaciens, de Niçois, de Basques ont pu être engagés dans des conflits mondiaux, par exemple, et se montrer très fidèles à la France. Et puis, de l'autre côté, l'État a toujours montré une extrême fermeté à l'égard de toute velléité d'indépendance ou même de fédération. Oui, enfin, je ne suis pas sûr qu'à Nice, les choses se posent en ces termes-là. Effectivement, les Niçois ont été très engagés, notamment dans la Première Guerre mondiale. Ils étaient tout jeunes français. Après, aujourd'hui, les choses sont relativement différentes, même si on pourrait effectivement, quand vous parlez des marches, se poser la question effectivement du rapport aujourd'hui d'un certain nombre de territoires, mais moins je pense moins au territoire niçois que par exemple à la Corse, que je connais bien, qui a un rapport, aujourd'hui on le voit bien, compliqué, non pas tant avec le pouvoir central, mais avec même... la question du projet national. Mais on a l'impression que c'est un pays qui a toujours eu besoin d'une main de fer, sinon la marmite, le couvercle, commençait à bouillir. C'est un pays qui sait, oui, mais c'est un pays qui historiquement, de toute façon, s'est constitué d'abord par une volonté politique. Il y a d'abord une volonté politique à la base du projet national français. Ce n'est pas une île. C'est un territoire sans doute moins défini que ne peut l'être, par exemple, la péninsule ibérique. C'est moins... une entité ethnique fixe, comme a pu l'être le monde germanique, ou une péninsule comme l'Italie. Donc, véritablement, la France est née d'abord d'un projet, du projet capétien. Alors, bon, les révolutions, qu'est-ce que vous avez fait comme choix, Gaël Nofri ? Dites-nous d'abord peut-être la liste des révolutions que vous avez étudiées, puis on verra votre portrait, puis on va en prendre quelques-unes comme ça pour voir s'il y a des rapports avec l'actualité ou pas du tout. Écoutez, ce que j'ai cherché, c'est d'abord à définir ce qu'était une révolution et à travers ça, à garder des mouvements qui effectivement pouvaient ne pas apparaître comme seulement des révoltes, seulement des moments de mécontentement, des jacqueries, mais véritablement avoir un caractère révolutionnaire. C'est-à-dire, effectivement, avoir ce côté insurrectionnel, parce qu'une révolution, c'est une rupture de l'égalité, avoir ce côté populaire, parce que ce n'est pas seulement un coup d'État ou un renversement de régime, et puis avoir ce côté politique institutionnelle. Et je crois que c'est la vraie différence entre une révolte et une révolution. Une révolte, elle est tournée sur un mécontentement fiscal, le désaccord avec tel ou tel choix politique d'un gouvernement à un moment donné. Une révolution, c'est le moment où, confronté en général d'ailleurs à l'échec des réformateurs, une partie des réformateurs entraîne une partie de la population dans une contestation globale du régime, globale de l'État, de sa structuration, et c'est-à-dire pose la question de la légitimité du commandement à gouverner les hommes. Parce que c'est ça la base. Donc, pour revenir aux 12 événements que j'ai choisis, il n'y a pas de hasard. Le premier est concomitant de la naissance véritable de l'État en France et de sa structuration, c'est Étienne Marcel, avec cette monarchie des Valois qui se structure, qui avance véritablement au moment d'ailleurs de la guerre de Cent Ans, hein, puisque il y aurait un parallèle à faire. Autant le parallèle État-Révolution est évident, il y a un parallèle aussi entre fondation de l'État et conflit armé, particulièrement en France. Deuxième conflit que j'ai retenu, moins connu, c'est Caboche, la période cabochienne. Nous sommes au début du XVe siècle. Assez paradoxalement, j'ai retenu les guerres de religion, parce qu'on a tendance à le présenter comme un conflit confessionnel, ce que ça a été évidemment, une guerre civile confessionnelle. Mais il y a aussi, derrière cela, une véritable tentation révolutionnaire avec des réflexions théologiques sur le principe du gouvernement et sur le tyrannicide notamment, ce qui aboutira d'ailleurs à l'assassinat d'Henri III et quelques années plus tard, celui d'Henri IV. Les Frondes, véritable révolution conservatrice, si on a droit à ce terme-là. 1789, évidemment, la grande décennie révolutionnaire avec tout ce que cela peut entraîner. 1830, 1832 et la deuxième révolte des Canuts avec véritablement toute cette période révolutionnaire sous la monarchie de Juillet qui est mal connue, mais qui va être un véritable laboratoire des grandes théories de la gauche socialiste, marxiste, anarchiste, proudhonienne, tout ça. 1870, on en parlait tout à l'heure avec l'effondrement du Second Empire suite à une défaite militaire. 1871, la Commune qui continue à véritablement peupler l'imaginaire révolutionnaire et l'imaginaire de la gauche. Donc vous distinguez 70 de 71. Oui, parce qu'il y a deux crises différentes. 1870, le gouvernement tombe naturellement parce que le gouvernement, le Second Empire, est un empire. C'est-à-dire il est basé sur la légitimité, c'est les victoires, c'est le prestige, c'est la réussite. Un empire n'a pas le droit d'échouer. Le jour où il échoue, il est condamné à mourir. Et on voit d'ailleurs qu'en 24 heures, le gouvernement tombe sans que personne ne pense à le défendre. 1871, c'est autre chose. On est dans un cadre totalement différent, avec d'autres préoccupations. On a une république proclamée avec une assemblée monarchiste. On a un pays qui n'aspire qu'à une chose, c'est à la fin du conflit. On a, et à l'ordre. Et on a une ville de Paris qui est structurellement animée par la gauche et qui va s'abandonner à toutes les grandes théories révolutionnaires. 1934 ensuite, le 6 février 34, qui est connu comme un grand moment des ligues factieuses de l'extrême droite et qui pourtant présente des caractères véritablement révolutionnaires avec une vraie remise en cause de l'organisation de l'État, une vraie remise en cause du parlementarisme républicain. Voilà. Et je termine, ou en tout cas je terminais, par mai 68, révolution ou pas révolution, de grands historiens n'ont pas voulu voir là-dedans une révolution, voire une a-révolution. J'ai préféré y voir une révolution générationnelle, c'est-à-dire une rupture véritablement entre les générations passées et les générations présentes qui amène à une remise en cause non pas seulement du pouvoir tel qu'il existe, mais de la notion même de pouvoir à ce moment-là. Avant de faire des liens avec l'actualité, Gaël Neufry, est-ce que toute revendication, toute révolution commence par une revendication de l'ordre ? Non, je dirais que toute révolution commence par un échec de l'ordre. C'est l'échec à se réformer. C'est à un moment donné l'idée... Mais du côté révolutionnaire, on dit qu'il y a un désordre au pouvoir. Oui. Et donc on va rétablir l'ordre, alors, une forme d'ordre. Oui, alors ça c'est effectivement ce que j'appelle la tentation réactionnaire de la révolution. En tout cas, si on prend toutes les révolutions jusqu'en 1792, toute révolution est basée effectivement sur la recherche d'un temps passé et la remise en cause de ce qu'on va appeler les dégradations de ce temps par rapport à l'ordre. C'est-à-dire, on va avoir un âge d'or idéalisé. C'est vrai sous Étienne Marcel ou sous Caboche, on parlera notamment de la période de Charles V, les grandes ordonnances. Ça va être vrai sous la Fronde, évidemment, avec cette idée que toute la période de Richelieu, et plus encore de Mazarin, mais dès Richelieu, que toute cette tentation vers... non pas une monarchie absolue, contrairement à ce qu'on dit, mais enfin un absolutisme monarchique en tout cas, est une dénaturation de la monarchie qui, pour les parlements, devrait continuer à être entourée des cours souveraines qui doivent appuyer son pouvoir, ou pour les princes qui vont mener les frondes, que le roi ne peut pas gouverner sans ceux qui en ont reçu le commandement par la naissance. Il y a véritablement cette... Mais on le retrouve en 1789. En 1789... au départ en tout cas, l'idée c'est véritablement qu'il y a eu des abus, qu'on a besoin de réformer le pouvoir monarchique, et toute la, d'ailleurs les décennies précédentes 1789, toutes les réflexions qui sont menées, on pourrait penser à l'école carolingienne, toutes ces tentatives de réforme s'inspirent d'une recherche d'un passé idéalisé. On peut voir un tournant quand même à partir de 1792, quoique cet âge d'or soit toujours recherché. Mais disons qu'à partir de 1792, c'est un peu la victoire de Rousseau sur Voltaire. Voltaire dénonçait les abus, donc quelque part mettait en cause l'évolution des choses. Rousseau projette l'homme dans un univers où l'abus, la faute initiale, c'est le contrat social. C'est l'homme rentré en société. Donc l'âge d'or, c'est l'homme avant la société. Donc quand vous allez si loin, on peut dire qu'on rentre dans une révolution progressiste, quoi, avec une visibilité uniquement sur l'avenir et plus sur le passé. Quoique, encore une fois, toutes ces révolutions vont avoir, même si c'est un âge d'or lointain, cette vision d'un âge d'or. Gaël Neufry, 85, votre année de naissance à Bastia, où vous grandissez jusqu'à l'âge de 14 ans. Très vite, vous vous découvrez une passion pour l'histoire au sein d'une famille marquée par le service de l'État. Du côté maternel, il y a notamment eu un général, des préfets. Vous le dites, De Gaulle, la Corse évidemment toujours marquée par l'assassinat du préfet Erignac. J'imagine que oui. C'est un souvenir. C'est un... Il n'y a pas eu de précédent même, il me semble. Enfin, c'était un précédent. Il y a en tout cas pas de précédent moderne. Oui, disons. Oui, c'est un... Voilà, vous le dites, De Gaulle a toujours été la référence de la famille. Parmi les lectures qui vous ont le plus marqué, les livres de Michelet, mais surtout Les chaînes qu'on abat d'André Malraux. Pourquoi ? Parce que il y a le talent d'André Malraux quand même. Il y a une certaine profondeur dans le récit. Et voilà, il y a une certaine profondeur et une certaine liberté dans le récit qui lui donne, à mon avis, un sens historique fort. À Nice, vous étudiez l'histoire et puis vous avez aussi, on peut le dire aussi, vous enseignez également l'histoire au sein d'un institut privé, devenant par ailleurs lauréat du concours national de la résistance et de la déportation. Votre portrait resitué par Marion Duchesne. L'histoire m'a naturellement amené à m'interroger sur la façon dont les hommes peuvent agir sur les choses. À 15 ans, Gaël Neufry choisit la politique. Il adhère au Rassemblement pour la France. Charles Pasqua était pour moi un mentor, dit-il. Il ne m'a pas lancé en politique, mais il a toujours eu un regard bienveillant sur moi. Pasqua est l'homme politique qui m'a le plus motivé en termes d'incarnation. À 18 ans, Gaël Neufry est candidat d'hiver droite au régional dans les Alpes-Maritimes. C'est bien plus tard que j'ai pris conscience de la dureté et des sacrifices qu'exige la politique, souligne-t-il. disait-il. Aux côtés de Charles Pasqua lors des européennes de 2004, Gaël Nofri travaille ensuite avec le sénateur-maire de Nice, Jacques Peyrat, avant de rejoindre le cabinet d'Éric Ciotti en 2008. 2011, il fait partie de l'équipe de campagne de Marine Le Pen. Même si je n'ai jamais adhéré au parti, mon engagement auprès du UFN a été une erreur, dit-il. J'ai cru que des choses étaient possibles, elles ne l'étaient pas. Gaël Nofri le répète, j'ai tâtonné car je crois que les partis politiques sont des outils, pas des finalités. Mais ma ligne politique a toujours été la même, le gaullisme souverainiste. Alors ambitieux, Gaël Nofri, non, mais opportuniste, répond-il. C'est une leçon de l'histoire à laquelle je tiens. Le réel peut servir notre cause. Il faut être là au bon moment. Celui qui a soutenu Macron en 2017, non par conviction mais par rejet du FN, le rappelle. La priorité du politique doit être de créer du collectif. Conseiller municipal à Nice depuis plus de 4 ans, Gaël Nofri le sait bien pour être en première ligne. Chacun arrive avec son « moi-je » à l'image des revendications des Gilets jaunes. Il faut rappeler que le collectif a du sens, conclut-il, pour ne pas exacerber l'individu roi. Et c'est une citation de Peggy qui vient à l'esprit de Gaël Nofri. L'ordre et l'ordre seul fait en définitive la liberté. Le désordre fait la servitude. Portrait signé Marion Duchesne. Alors Gaël Nofri, quelque chose à corriger sur votre itinéraire qui paraît un petit peu sinueux comme ça, non ? Oui, oui, c'est oui. Mieux. Vous avez tâtonné un peu en politique ? Non, enfin, oui, encore une fois. C'est vrai que Nice, c'est particulier. La chose est bien résumée, effectivement. Je ne crois pas foncièrement aux partis politiques, donc les choses sont pour moi beaucoup plus distantes. Mais c'est vrai que j'ai toujours cherché cette voie d'un gaullisme souverainiste et... apaisé aussi, donc effectivement, les choses sont un peu plus complexes. Je n'ai pas soutenu Emmanuel Macron en 2017 au premier tour des élections présidentielles. Au second tour. Ça, on n'a pas précisé. Hein. Oui, oui, non, mais c'est pour ça que je voulais quand même apporter la précision dans le cadre du. Je l'ai soutenu dans le cadre du duel Marine Le Pen. Vous occupez à Nice, vous occupez notamment des questions liées au stationnement. Oui. Est-ce que c'est un sujet aujourd'hui de friction, la place de la voiture dans la société ? On s'aperçoit qu'avec les gilets jaunes, c'est finalement le point de départ. Oui, non, mais c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Effectivement, la voiture, c'est un peu un prolongement de l'individu aujourd'hui. Et en plus, c'est un moment où on a une capacité à être un peu plus individualiste que dans le quotidien. Donc voilà, vraiment, la voiture, c'est la projection sur le domaine public, effectivement, de l'individu. Donc chacun doit y trouver sa place. Et en même temps, c'est difficile parfois de faire cohabiter toutes ces individualités dans des espaces restreints. Mais est-ce qu'il y a une rivalité à Nice comme ailleurs entre des centres-villes qui sont plutôt dominés par des gens plus aisés et des périphéries qui sont relégués, et surtout les gens des centres-villes ne veulent pas de la voiture des gens qui viennent des périphéries. Est-ce que ça, c'est comme à Paris, par exemple. Paris, c'est le cas. Oui, on pourrait. Je pense que oui, mais Paris, c'est totalement différent. À Nice, les problématiques sont un peu différentes. Effectivement, on a cette problématique des trafics pendulaires, en réalité. Hein. On est sur un espace géographique très contraint, puisqu'on est sur une bande littorale étroite, encerclée par la mer et par les montagnes, mais on essaye de travailler sur la complémentarité avec un système de transport en commun et de parking de dissuasion en abord des villes qui permet de trouver cette complémentarité. Mais évidemment, encore une fois, entre les différents usages de l'espace public, entre les différentes attentes individuelles, c'est difficile à chaque fois de trouver un arbitrage, parce qu'on est à une époque où les gens acceptent d'autant plus mal l'arbitrage qu'ils ont... Ils ont du mal à se projeter dans cet espace partagé, mais avec de la pédagogie, du travail, de la proximité, de l'écoute et du respect surtout des gens. Je crois que ça passe. Est-ce que, à votre avis, le FN ou France Insoumise vont récupérer la mise de ce qui se passe en ce moment ? Écoutez, moi, je crois que... Est-ce que vous le sentez même sur le terrain ? Non, je crois très sincèrement qu'il y a une tentative des partis politiques, quels qu'ils soient d'ailleurs, parce que ce ne sont pas les seuls à essayer d'embrayer derrière. On voit certains hommes politiques qui n'appartiennent pas à des mouvements qui sont plus sur le contestataire, essayer de récupérer. Mais je crois que le fond de l'histoire, c'est quand même que la totalité des institutions représentatives politiques, des corps intermédiaires, des syndicats, sont décrédibilisés. Et on le voit bien dans tous les appels, dans toutes les tentatives de récupération. Donc ça, je n'y crois pas beaucoup, parce que l'erreur, c'est de penser... Et d'ailleurs, il y a un parallèle qu'on pourrait faire avec mai 68 là-dessus. L'erreur, c'est de penser que ces gens-là en ont, contre Emmanuel Macron, contre Édouard Philippe, contre je ne sais pas qui, ces gens-là en ont contre un système dont ils n'ont pas le sentiment aujourd'hui qu'il est en capacité de les représenter. L'augmentation de l'abstention, c'est ça. Et les votes de rejet contestataires, c'est aussi ça. Donc la capacité pour les partis politiques de le récupérer, je n'y crois pas vraiment. Vous avez été par ailleurs directeur de cabinet du maire de Montmorillon. Oui, dans la Vienne. Dans la Vienne. Donc rien à voir avec le pays niçois. Non. Mais là, est-ce que vous avez constaté cette fracture citadin-ruraux qui est marquée et qu'on essaie aujourd'hui d'analyser, mine de rien ? Oui, ben évidemment. Je pense que de toute façon, il y a une vraie, vraie problématique. Et on la voit d'ailleurs dans l'évolution des votes. Et effectivement... vous parlez de Montmorillon et plus généralement du sud Vienne, qui est un monde rural qui, encore une fois, a beaucoup d'atouts. Et c'est là qu'on voit véritablement les problématiques. Aujourd'hui, on a une problématique d'aménagement du territoire terrible. Et ce qui ressort aussi à travers tout ça, c'est cette problématique d'aménagement du territoire. On investit des milliards d'euros dans des politiques de la ville dont on peut penser qu'elles apportent un plus, et on peut l'espérer, et c'est souvent le cas. Mais en réalité, on continue de densifier des espaces qui sont déjà contraints, où il existe déjà du chômage, des problématiques de déplacement, des problématiques de surpopulation, des problématiques... Et parallèlement, on assiste à la désertification de ce monde rural. Et on a en plus le sentiment, effectivement, et je crois que c'est le fond de l'histoire des Gilets jaunes, qu'il y a une véritable fracture. Elle est géographique, mais elle n'est pas seulement géographique. Entre une part de la population qui est intégrée à la mondialisation, au progrès, au progressisme, disons, hein, à un certain nombre de... à la société telle qu'elle est aujourd'hui et à la société auquel s'intéressent les hommes politiques, et une part de la population qui vit en marge. Alors le but, c'est pas de... Le fond de l'histoire, c'est que toute la problématique, et on pourrait revenir d'ailleurs au second tour de l'élection présidentielle, toute la problématique, c'est pas pour celui qui gagne de s'aligner sur ce que veulent les gens qui vivent en marge de ce mouvement, mais c'est de savoir, une fois élu, comment réintégrer ces gens dans, comment dire, dans une dynamique, et comment, dans une dynamique sociale, et comment les faire recréer du commun. Parce que ceux qui manquent. Donc c'est toujours une France contre l'autre, en fait. Pour aujourd'hui, on n'est pas sorti de ça. Le second tour, c'était un peu ça. Oui, c'est une France contre l'autre. Le système veut ça aussi. Oui, mais je pense que ça va plus loin que la rupture politique. C'est que véritablement, aujourd'hui, la question, c'est comment est-ce que, dans une société où l'individualisme a pris une part si importante, dans une société où le sens d'appartenance est si faible, comment est-ce qu'on recrée du commun ? Allez, Gaël Neufry, vous restez avec nous. On va revenir à ces histoires, l'histoire des révolutions en France, avec vous après 8h pour voir s'il y a des points qui peuvent nous inspirer pour l'actualité. 7h58. Le grand témoin, la rediffusion. Gaël Neufry est historien, élu de la ville de Nice, et il s'est intéressé à l'histoire des révolutions en France, aux éditions du CERF, Histoire des révolutions en France. Alors c'est intéressant évidemment parce qu'on essaie de voir s'il y a des rapports avec l'actualité, avec les Gilets jaunes en particulier. Ce que je vous propose, Gaël Neufry, c'est qu'on regarde parmi les 12 révolutions que vous avez, alors révolte ou révolution, vous nous le direz, que vous avez sélectionné, s'il y a des points de convergence avec ce que l'on vit en ce moment. Par quoi peut-on commencer ? Allez, Étienne Marcel, peut-être, c'est la plus ancienne ? Oui, c'est la plus ancienne, c'est la première que je cite. C'est évidemment une révolution qui est très contextualisée pendant la guerre de Cent Ans. À l'époque, le roi est fait prisonnier après la bataille de Poitiers par les Anglais, mais si on devait véritablement trouver un point de convergence, j'insisterai sur l'aspect parisien. Parce que on voit bien que la révolte des Gilets jaunes, qui est partie de province et qui mobilise beaucoup en province, trouve quelque part sa problématique politique dans la crise parisienne. parce que finalement, c'est en province que ça a le plus mobilisé et que ça a le plus concerné. Et c'est à Paris que se pose le nœud du problème. Et c'est une caractéristique de toutes les révolutions, et ça commence avec Étienne Marcel, qui était prévôt des marchands de Paris. Les révolutions s'installent toujours dans la capitale. Elles ont un rapport au pouvoir forcément très fort, puisque une révolution veut renverser le pouvoir. Donc, évidemment, il y a un rapport fort à la capitale. Mais alors, Étienne Marcel, évidemment, n'y parviendra pas. Étienne Marcel n'y parviendra pas, non. Bon. Et finira mal, d'ailleurs, puisqu'il finira mis à mort par les Parisiens, comme quoi. Il y avait une main étrangère dans cette histoire. Oui, mais on peut imaginer qu'il y a des manipulations. Dans la plupart des révolutions, tôt ou tard, une partie des révolutionnaires tente de se tourner vers une puissance étrangère. Et c'est en général d'ailleurs le moment de rupture entre les éléments populaires et les meneurs de la révolution. On peut le citer dans beaucoup de cas, hein, mais effectivement, pendant la guerre de Cent Ans, il y a la question des Anglais, et c'est ce qui va mettre un terme à la dictature qu'Étienne Marcel exerce sur Paris. Mais encore une fois, ça se retrouve dans beaucoup de révolutions. On parlera peut-être tout à l'heure de la Fronde. C'est au véritable moment, au moment où les frondeurs se tournent vers l'Espagne, que la rupture est consommée. Donc l'élément étranger intervient plutôt comme un élément de rupture, selon vous. Oui, bah oui, puisque à un moment donné, encore une fois, quand vous êtes révolutionnaire, il y a ce commun, même quand vous n'êtes pas révolutionnaire, mais je veux dire, il y a ce commun qui est le sentiment d'appartenance à la nation, la volonté de réformer les... Lorsque vous faites fait et cause avec une puissance étrangère, vous perdez l'élément populaire qui est entraîné par l'idée de sauver ou de réformer le pays. Pourtant, les Anglais ont joué un rôle important dans la révolution dite française. Aussi, mais ce n'est pas du tout le même rôle. Et puis très rapidement, on les a vus quand même dans l'opposition à cette révolution. Et quelque part, pour le coup, l'entrée des différentes cours européennes dans le conflit a au contraire plutôt joué un rôle de mobilisateur de l'esprit révolutionnaire qu'autre chose. Alors après Étienne Marcel, est-ce que Caboche, que l'on connaît peu, vous allez expliquer, est-ce que Caboche, ça a quelque chose à voir avec ce qui se passe maintenant? Je vous dirais que Caboche, c'est peut-être le premier gilet jaune, parce que c'est le premier qui, quelque part, sort de son travail, de son monde personnel, de son foyer, sans être véritablement connu, pour mener une révolution. Alors, il ne l'amène pas véritablement. Caboche est plus un symbole de cette révolution. C'est un boucher, hein. C'est un boucher, carisseur. D'ailleurs, il doit son surnom de Caboche à son métier. Voilà. Mais c'est véritablement, à un moment, c'est l'élément populaire qu'on peut retenir dans la révolution cabochienne. C'est l'élément populaire. Parce que derrière, il va y avoir les velléités du duc de Bourgogne qui va essayer d'organiser cette révolution au moment où le roi est fou. Mais c'est la mobilisation de cet élément populaire qui m'apparaît être le point important de cette révolution et peut-être le point que l'on peut retrouver avec les Gilets jaunes. Effectivement, il y a incontestablement une mobilisation des éléments populaires. Le point de départ, c'est toujours fiscal ? Alors, pour les deux révolutions, oui, on peut dire que le point de départ est toujours fiscal. Mais encore une fois, ce n'est pas les moments de fiscalité les plus tendus qui soit, et on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on soit dans le moment de fiscalité le plus tendu qui soit non plus. La vérité, c'est que c'est plutôt des moments d'affaiblissement du pouvoir ou d'incompréhension gouvernant. Parce que, je vous disais tout à l'heure, Jean II le Bon est prisonnier à la bataille de Poitiers sous Étienne Marcel. Sous Caboche, le roi est fou et son fils en assure même pas la régence. On pourrait reprendre sous les guerres de religion, même chose. Les rois sont relativement faibles après la mort d'Henri II. Les trois fils d'Henri II vont être relativement faibles. Les trois fils d'Henri II vont être relativement faibles dans la gestion du pouvoir. Au moment des Frondes, Louis XIV est mineur. Le pouvoir est confié à une Autrichienne et à un premier ministre italien parvenu assez décrié. Voilà. On constate quand même, 1789, la monarchie est dans une telle situation financière qu'elle est obligée d'en appeler aux États généraux. Donc, plus que l'élément fiscal, c'est l'idée que le pouvoir est faible, qu'il n'arrive pas à résoudre les problèmes, qui n'est pas en capacité de résoudre le problème, de répondre aux attentes des gens, qui fait que quelque part la pression fiscale devient indue. Oui, mais alors Gaël Nofré, on pourrait vous dire illégitime. Que, justement, si vous reculez, ça veut dire que vous vous affaiblissez encore davantage. C'est évident. Donc vous avez intérêt à ne jamais faire de concessions et au contraire à être brutal. Alors si on fait un parallèle avec l'actualité, puisque je présume que reculer ne pas reculer, c'est un parallèle. Le moratoire, c'est un recul. C'est une forme de recul. Je pense, si vous voulez mon avis, que c'est un échec, que c'est la preuve d'un échec, c'est un aveu d'échec et que c'est une mauvaise solution. Parce que vous pouvez très bien amender votre politique sur d'autres points. Mais effectivement, si vous reculez sur cela, et on le voit d'ailleurs tout à fait depuis hier, lorsque vous reculez sur le point majeur, apparaissent autant d'autres points. Puisque, par définition, si le gouvernement accepte de vous entendre, de reculer sur ce que vous demandez, face à la pression... toutes vos revendications ressortent. Et oui. Par définition, quand un mouvement n'est pas structuré, et un mouvement populaire est très rarement structuré, on n'enrégimente pas le peuple, vous allez avoir une multitude. Donc on met le doigt dans un mécanisme sans fin. Évidemment, on met le doigt dans un engrenage qui est très problématique, parce qu'on crée une espérance très forte. Et pour revenir à l'élément populaire dont on parlait de Caboche, et c'est une phrase hier de la philosophe Simone Veil, les révolutions sont le véritable opium des peuples, dit-elle. Et elle a raison. Simone Veil. Oui. Dans le fait que la révolution, à un moment donné, fait sortir des éléments populaires de leur rôle de spectateurs de l'histoire pour en faire devenir des acteurs. Mais du moment où vous êtes acteur, vous ne voulez pas redevenir spectateur. Personne n'a envie de revenir à sa condition initiale. Et ce que l'on a obtenu, même si on a obtenu gain de cause, est toujours très inférieur à la mystique, au fantasme que cela révèle. Et par définition, c'est très difficile de faire entrer les gens dans le retour à l'ordre, dans le retour à la légalité. Et c'est pour cela qu'en général, les révolutions qui ont commencé à céder soit s'emballent, soit finissent dans la répression. C'est une connaissance, là, pour le coup, de l'être humain qu'il faut avoir, de la psychologie humaine. Oui, si on manque de cette connaissance-là, on risque de s'exposer à beaucoup de mésaventures. Oui, et puis, encore une fois... C'est-à-dire que les chefs d'État les plus durs, les plus autoritaires, les plus... Si vous prenez Napoléon, par exemple, finalement... Napoléon, j'ai déjà pu le dire ici, qui a été spectateur de ce qui s'est passé aux Tuileries, aurait écrasé... Et il l'a fait. Sans aucun scrupule. Mais pendant la Révolution, il l'a fait, face aux manifestations, notamment, qui voulait éviter que le directoire ne renverse l'ordre légal. C'est Napoléon avec Barras qui fait tirer sur la foule. Sans scrupule. Mais parce que, voilà, il est véritablement dans cette disposition. Ce qui ne veut pas dire que c'est un conseil qui est à donner au gouvernement. Mais ce qu'il faut retenir quand même de tout ça, c'est qu'effectivement, une revendication peut-être légitime, peut-être, doit être entendue. Pour autant, il faut à côté toujours réfléchir à comment est-ce qu'on sauve dans une révolution, enfin, face à un mouvement insurrectionnel, qu'il soit révolte ou révolutionnaire, comment est-ce qu'on sauve le pouvoir. C'est-à-dire non pas les gens qui tiennent le pouvoir, mais comment est-ce qu'on sauve cette capacité à continuer à maintenir à la fois un ordre, à une continuité et à sauver ce qu'il y a à sauver. Or, effectivement, pour revenir à l'actualité, je ne crois pas qu'on soit dans ce cadre-là, mais effectivement, je pense que c'est un manque de compréhension de ce qui se joue aujourd'hui, mais comme si on devait le prendre. C'est un manque de compréhension, d'empathie avec la population et de compréhension des enjeux que d'avoir pensé que faire passer une réforme fiscale sur le dos de l'environnement était une bonne chose. Je veux dire, par là, c'est une maladresse. Mais bien sûr que c'est une maladresse. Encore une fois, les gens sont en aptitude à comprendre qu'un système connaît des problèmes, a des difficultés, doit être réformé, que peut-être il faut plus de recettes fiscales pour maintenir un certain niveau d'intervention de l'État, ou alors accepter moins d'intervention. Encore une fois, face à un système, les gens peuvent comprendre si on fait. Mais si vous mettez ça sur le dos de l'environnement, personne ne peut le comprendre. Et c'est, je pense, que avoir pensé faire passer plus d'impôts sur le dos des particules dans l'atmosphère est la preuve d'une déconnexion. Et penser aujourd'hui parvenir à calmer la colère en ne cédant pas d'ailleurs, en reportant cette réforme à plus tard, est à mon avis au contraire quelque chose de très mobilisateur. Ce qui ne veut pas dire qu'avec les fêtes de Noël, les choses ne se calmeront pas. Mais l'idée, c'est de jouer la montre. Hein, on l'a compris, voilà, hein. L'idée, c'est de jouer la montre. Mais je ne suis pas persuadé que ce soit la meilleure solution, non pas pour se sauver à court terme, peut-être que ça marchera, parce que si on joue la montre, effectivement, on est dans une période de consommation, donc les gens vont être, voilà, il va y avoir les vacances scolaires, donc les lycéens vont arrêter. Il faut sauver le mois de décembre. Voilà, c'est ça. Mais à moyen et long terme, c'est une faute majeure, parce que ça creuse encore un peu plus le fossé gouvernant-gouverné. Or, ce dont il y a besoin, c'est véritablement de remettre... Mais on ne sait pas bien comment recréer ce lien entre le haut et le bas, hein, c'est toute la question. Alors, il y a une question qu'on a posée sur Facebook, faut-il faire la révolution et si oui, laquelle? En écho à l'histoire des révolutions que vous avez écrites aux éditions du CERF, Gaël Neufry, avec quelques sélections recueillies par Alban Barthélémy. Oui, et votre question, Louis, est prise au pied de la lettre par les internautes ce matin. Je vous prends deux réactions. D'abord, celle de Florent, via Facebook, qui nous dit les modes d'expression démocratique, comme le vote, les manifestations, les pétitions, etc., ne fonctionnent pas et énormément de personnes sont à bout. C'est malheureusement, nous dit-il, par la révolution que le peuple se fait entendre. Et ceux qui n'ont rien à perdre le font par la violence. Et puis, la réaction également ce matin de Marcel via notre site web, radionotredame.net, qui nous dit « Il faut arrêter de faire des distinctions entre les casseurs et les autres. Quand un mouvement de colère s'exprime, il ne s'exprime pas de façon raisonnable, policée et constructive. » Vous voyez que dans les deux cas, Louis, il est question de colère et de révolution. Gaël Neufry, alors, qu'est-ce qu'on peut réagir à ce qui a été exprimé ? Non, mais je pense que ça résume assez bien les choses. Oui, effectivement, on a un problème de... on a une crise profonde, c'est ce qu'on disait, d'incarnation du pouvoir, de capacité des institutions à représenter. Elle est vraie pour les politiques, elle est vraie pour les syndicats. On voit très bien que... vous savez très bien qu'il n'y aura aucune remise en cause des politiques. L'Assemblée nationale, bah, qui est majoritaire, de manière écrasante, aux couleurs de Emmanuel Macron, oui, ne mais changera ça ne peut pas. Ils ont été élus. Oui, mais ça ne peut pas venir de là. Ça ne peut pas venir d'une, encore une fois, d'une réforme de l'Assemblée nationale. Ça devrait être le cas. Les débats devraient avoir lieu dans l'hémicycle, oui, et pas dans la rue. Oui, mais par définition, encore une fois. Mais on peut reprendre l'exemple de mai 68. C'est exactement la même chose. Et d'ailleurs, il serait intéressant de savoir si la crise des Gilets jaunes, plutôt que d'être une révolution, ce que je ne crois pas au fond, n'est pas tout simplement la fin de la révolution de mai 68. Mais... Expliquez. Mais écoutez, c'est très simple. Mai 68 était une révolution générationnelle. C'était des jeunes entre 18, 20, 21, 22 ans qui voulaient non pas renverser le pouvoir, mais qui contestaient le fait même qu'il existe un pouvoir au nom d'une autre vision de la société, basée d'ailleurs sur des critères culturels, sociaux, intellectuels différents. Vous savez, c'est les fameux films de Godard, la chinoise notamment, qui disait c'est la génération des enfants de Coca-Cola et Karl Marx, ce qui n'est pas totalement faux. Or, cette Lénine et Lennon. C'est ça, voilà, Lénine et Lennon. Cette génération qui n'a finalement jamais voulu plus renverser le général de Gaulle que les autres politiques. Je veux dire, quand Mitterrand ou Mendès France à Charletti, puis Mitterrand en conférence de presse, essaye de renverser le général de Gaulle, ils ne sont pas du tout suivis par la jeunesse, parce que la réalité, c'est que veut la jeunesse? Il est interdit d'interdire, sous les pavés la plage et mettre l'imagination au pouvoir. C'est des revendications plus d'un autre ordre, qui sont tournées contre le pouvoir même. Or, cette génération qui a perdu cette révolution, je dirais, dans la rue, sans jamais avoir cherché à la gagner... a occupé toutes les postes, tous les grands postes. Elle a gagné par ailleurs totalement. Voilà, parce que c'était une révolution générationnelle. Donc forcément, la génération est montée dans les strates du pouvoir, de l'administration, des places dirigeantes, et aujourd'hui arrive à la retraite. Or, qu'est-ce qu'on voit dans les Gilets jaunes? On voit beaucoup de gens qui sont en âge de la retraite, qui n'ont plus exactement les mêmes revendications qu'à l'époque, parce qu'ils n'ont plus le même âge, parce que aussi, après les 30 glorieuses, on a eu droit aux 30 piteuses, et que, évidemment... la dénonciation de la... On s'est rendu compte que la dénonciation de la société de consommation, c'était pas qu'on était contre la société de consommation, mais qu'on voulait aller plus loin que la société de consommation. Donc on en revient à des problèmes de consommation aujourd'hui. Et donc véritablement, on voit très bien que cet individualisme, cette aspiration à une consommation C'est ça qui dépassée... prend fin aujourd'hui. Vous avez l'air de dire que ce sont les 68 arts sur le retour qui sont dans la rue. C'est un petit peu... C'est vrai que c'est un peu contre-intuitif. Parce qu'on a plutôt l'impression d'avoir des gens qui viennent des périphéries, mais qui sont pas nomboïsés. On a des gens qui viennent des périphéries. Mais d'abord, il n'y a pas eu, en mai 68, encore une fois, que ceux qui ont fait mai 68, les bobos, etc. Il y a eu derrière toutes des générations qui ont été formées aussi dans une certaine conception des rapports gouverné-gouvernant, dans une certaine attente vis-à-vis de l'État. Et on voit très bien qu'aujourd'hui... Quand ça a infusé dans toute la société, après. Ça a infusé dans toute la société, dans les attentes, dans la compréhension des enjeux. Et indépendamment de ça, quand je dis aussi que on arrive à terme, en mai 68, l'État n'était pas en faillite. En mai 68, on avait le plein emploi. Là, on arrive dans une société où il y a du chômage, où les acquis, où on a 2000 milliards d'euros de dettes, et où les acquis sociaux, ce qu'on appelle les acquis sociaux, c'est-à-dire la retraite à 60 ans, c'est-à-dire sont en train d'être. On voit très bien qu'on n'a pas les moyens de les financer. Ce qui veut dire que. En réalité, la crise financière qu'il y a là-dessous, c'est une crise de l'État telle qu'il a été définie à cette époque. Et on voit très bien que c'est là que se situe le problème. C'est pour ça que, à mon avis, nous sommes véritablement dans une croisée des chemins. Est-ce qu'on arrive face à une sorte de mur, un peu? Oui. Gaël Neufry. Oui, bien sûr, on arrive. Le mur écologique, ça peut d'ailleurs, dans la géographie mentale, il nous reste malheureusement une minute, mais il y a le mur financier, le mur de la dette. On a l'impression, les gens vous disent, on va dans le mur, etc. Le mur du réchauffement climatique, tout ça. Mais le mur, c'est aussi ce qui empêche de voir derrière. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, personne ne voit ce qu'il y a derrière. Ce n'est pas seulement le mur dans lequel on va rentrer, mais c'est que personne n'arrive. Et c'est là la réponse peut-être pour le pouvoir. Vous disiez, l'Assemblée ne se réformera pas. Ce n'est pas à l'Assemblée. À un moment, si on n'a pas un chef de l'État qui est capable de dire ce qu'il y a derrière le mur et pourquoi est-ce qu'éventuellement il faut faire des sacrifices financiers et combien de temps et pour quelle perspective, personne ne pourra comprendre. Ce qu'on manque aujourd'hui, c'est de perspective collective. En fait, 30 ans après la chute du mur, on s'aperçoit qu'il n'est pas tombé. C'est un petit peu la morale de l'histoire. On n'est quand même pas dans un système soviétique. Non, mais Dieu merci. C'est pas ce que je voulais dire, c'est qu'il s'est reconstitué sous une autre forme. Voilà, merci d'avoir été avec nous. Merci Gaël Neufry, élu de la ville de Nice, historien, une histoire des révolutions en France aux éditions du CERF, pour prendre un peu de recul et sélectionner 12 événements de l'histoire de France qui ont peut-être un rapport avec l'actualité, sans doute même. Excellente journée.